Il va avec le numéro 2. Number 2. Alors, cette semaine, il y a une association de transsexuels qui ont demandé au gouvernement que soit déclarée discriminatoire cette pratique consistant à déterminer le sexe d'un enfant qui vient au monde avec deux sexes. Ça, c'est très, très, très pointu. Chaque année, ça a l'air un peu partout à travers le monde, il y a des bébés qui viennent au monde avec les deux sexes, féminin, masculin. Les hermaphrodites, là, comment qu'on appelle ça? Les hermaphrodites. OK. Et là, le médecin, habituellement, il décide, bon, regarde, on va en couper un. On va en choper un. On peut pas le laisser comme ça, venir au monde avec deux sexes. Fait qu'on va en choper un. Lui, ça va être un gars. Il enlève la vulve, ça vient de finir, ça va être un gars. Sauf que ce bébé-là grandit. Et finalement, lui, dans sa tête, est plus une fille qu'un gars. Ah, mais là, ils ont enlevé la vulve. Fait que là, les transsexuels demandent à ce qu'on laisse les deux sexes jusqu'à ce que la personne se fasse une tête sur quel genre il est, puis après ça, il fera son opération, ou alors il gardera les deux s'il veut garder les deux. OK, ça, c'est d'un point de vue médical. C'est un problème médical très, très pointu. Mais outrons ça un peu, parce qu'en France, on appelle ça la théorie du genre. En France, on dit qu'on ne devrait pas déterminer le sexe d'un enfant, même s'il naît normal. De plus en plus de spécialistes, et même, là, c'est rendu dans les écoles. C'est-à-dire que ton enfant vient au monde, oui, il a un pénis, mais ça ne veut pas dire nécessairement que dans sa tête, il est un gars. Check bien ça. Alors, ils disent qu'on devrait l'élever de façon gender neutral. Ça veut dire que tu élèves ton enfant sans lui imposer un genre. Oui. C'est-à-dire que tu lui mets plein de vêtements disponibles à sa disposition et c'est lui qui va choisir comment s'habiller. S'il décide de s'habiller en robe aujourd'hui, t'as pas à lui imposer des pantalons et un t-shirt. C'est lui qui va choisir. Aujourd'hui, il va s'habiller en robe. Demain, il va s'habiller peut-être en pantalon. Le surlendemain, peut-être qu'il va porter une jupe. T'as pas à lui imposer ça. Et là, c'est une théorie qui prend de plus en plus d'ampleur. Et même que c'est rendu dans les écoles en France. C'est fucké par à peu près qui pousse ça, l'agenda. Les livres dans les écoles devraient être gender neutral, devraient être neutre. Il ou elle, tout le temps. Il ou elle, c'est tout ça, tout le temps. Quand t'abordes quelqu'un, là, un petit gars dans une classe, mettons que t'es professeur en France, qu'est-ce que tu dis? Il ou elle? Tout le temps, c'est gender neutral. T'as pas le droit d'identifier le sexe. T'as pas le droit d'identifier le sexe. Écoute, à Toronto, il y a 2 ans, il y a un couple à Toronto qui ont eu un enfant. Ils ont refusé de dévoiler le sexe de leur enfant, même à leur famille et à leurs amis. Ils l'ont élevé de façon neutre. 2 ans plus tard, il y a un journaliste qui est allé voir cet enfant-là. Cet enfant-là s'appelle Storm, Orange. De temps en temps, cet enfant-là dit qu'il est un garçon. De temps en temps, il dit qu'il est une fille. Des fois, il est habillé en rose. Des fois, il est habillé en bleu. Des fois, il porte des robes. Des fois, des pantalons. Et les parents trouvent ça bien cute. Et leurs amis ne savent même pas le sexe de l'enfant. C'est caché. Ses frères, ses sœurs le savent, mais ils n'ont pas le droit d'en parler. C'est fucké, Richard. C'est vraiment n'importe quoi. C'est malade. C'est maudit. C'est quoi là, le problème? Qui pousse ça, cet agenda-là, de neutralité de genre? Je comprends, là, mettons, de ne pas capoter si ton enfant, mettons, joue avec une poupée, c'est un petit gars, joue avec une poupée une fois, là, de ne pas courir à travers la chambre en disant « Tu joues là, pas avec une poupée, il faut que tu joues avec un camion. » Je peux comprendre, là, ils ont le droit de s'exprimer, blablabla. Mais là, tu as à dire, là, c'est un gars, c'est un gars, une fille, c'est une fille. Ben là. Oui. Non. Un joueur de la Ligue nationale, il a le droit de gagner le Lady Bing. Puis rendu là aussi, je trouve qu'on impose la neutralité, là, tu sais, c'est rendu, là, non, toi, il va falloir tout le temps, là, que tu sois ni un gars, ni une fille. Moi, je trouve non, que c'est quasiment pire. C'est pire, même. Mais là, ça a l'air vraiment flyé, mais sauf qu'en France, c'est rendu dans les écoles, là. Il y a les livres, maintenant, on a retiré des livres parce que ça poussait trop les enfants vers un genre plutôt que l'autre. Et là, on tend à leur donner des livres neutres. Martine, à la plage, là, tu sais, la collection. Filles qu'on peut élever en disant, tu peux être un soudeur plus tard, tu peux être un joueur de hockey. C'est vrai qu'avant, on les envoyait surtout, tu vas être cuisinière, tu vas être balayeuse, bon, etc. Je peux comprendre. Mais de là à élever les enfants neutres. C'est complètement freak. Donc, les Martines, là, c'est la petite fille qui a une mini-jupe peu trop courte à mon goût. Là, elle, faudrait que ça soit Martine à la soudure, Martine mécanicienne. Faut que tu inverses les rôles. Non, tu mets Martine avec un E en parenthèse. Martin, donc, Martine. Ouais, c'est oui, ça, le E en parenthèse. Exactement. Martin, Martine, puis tu vois jamais vraiment, elle est tout le temps en pantalon. Des fois, elle est en robe. Tu sais pas. Je sais pas si tu te souviens, le personnage de Saturday Night Live s'appelait Pat. Ah ouais, tu savais oui, jamais oui. Si c'était un gars ou une fille. C'était bon, ça. c'était bon, le personnage, puis tu sais, je ne savais jamais si c'était un gars, une fille. Les gens qui travaillaient avec, ils l'appelaient Pat, mais ils ne savaient pas si c'était... Mais c'est ça, ils disent maintenant, les spécialistes, mais c'est du délire. Moi, j'ai eu deux filles, un gars, et mon petit gars, là, il y avait un an et demi, il voyait les camions de pompiers, là, il shakait tellement, il tripait. Mais super-héros. Il shakait, c'est dans ses gènes. Il tripait ses camions. Mes filles, quand elles étaient petites, ils s'en foutaient des camions. C'est il ça. Allait vers les poupées. C'est naturel. Bon, tu sais, à un moment donné, il y a aussi un genre, c'est pas rien qu'est-ce que t'as entre les deux jambes, c'est ce que t'as aussi dans la tête. Un petit gars qui va vers le curling, c'est quoi, par exemple? Ça, je sais pas, là. Ça devient mêlant. Un Canadien anglais. Non, mais la vraie vie, c'est pas David Bowie en 1974. C'est un Canadien anglais, là. David Bowie, c'est pas la vie en 74. David Bowie en 74, c'est pas ça la vraie vie, là. David Bowie qui était au 2 ou je sais pas quoi, au 3 ou au 4, là, Ziggy, là. T'es pas yaube, là. Mais tu sais, en disant, je suis pas un gars, je suis pas une fille, je suis ouvert, je suis open. Alors, ce couple-là de Toronto, écoute, 2 ans plus tard, si tu veux, je peux t'envoyer le lien tantôt, Dominique, tu pourras peut-être me le mettre en ligne. Oui, absolument. Et, c'est dans c'est quel le, magazine? Le Star à Toronto, ils sont retournés 2 ans après voir Storm. Puis là, ils parlent de ça, puis c'est du délire. Ça va arriver à Check bien ça à Montréal. Québec solidaire va amener ça à Montréal, là, tranquillement. Oui, pas le droit, là, maintenant. Là, t'aurais pas le droit, mettons, sur les voyons, comment on appelle ça, les census, t'envoies. Les recensements. Les recensements, de dire homme ou femme. Tu sais, non, là, ça serait, là, genre non spécifié. D'ailleurs, as-tu vu, Facebook, c'est encore pire. Facebook... je crois que c'est le Slate qui a fait quelque chose là-dessus dernièrement. Il te demande ton genre, le nouveau Facebook, d'ailleurs, là, je t'annais. On commence à s'habituer à peine à un Facebook qui en amène un nouveau 6 mois après, là. Ouais, ben, je comprends plus le dernier. Je l'ai. Moi aussi, je l'aime pas. Effectivement. Puis il y a à peu près 5, ça, j'exagère pas, là. Il y a à peu près 50 choix d'orientation sexuelle. Ben voyons donc. Je te le jure. Live à TradioX.com, je lance un appel aux auditeurs, si vous pouvez m'envoyer ce lien-là. Oui, puis il y a des blogueurs, même au journal, qui en ont parlé. Regarde, c'est fou raide, là. C'est fou. Mais tu sais, la théorie du genre, ils disent que si tu dis à ton enfant, oui, que t'es un petit gars, puis tu vas te porter des vêtements de petit gars, tu porteras pas des vêtements de petite fille, que ça va limiter ses possibilités dans la vie, qu'il a le droit de s'habiller comme il veut, qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. S'il veut prendre des cours de ballet habillé en fille, c'est de ses affaires. S'il veut aller à l'école avec une robe, c'est de ses affaires, parce que lui, il va se sentir bien dans une robe. Écoute, là, qu'un gars, mettons, rendu à 40 ans, 30 ans, dise, regarde, moi, je me sens mieux en femme qu'en gars, c'est sa décision, c'est son... Mais imposer ça à tes enfants... Non, c'est quasiment criminel. C'est un code DPJ. Le petit gars qui va à l'école en robe, parce que ça lui tente de porter une robe, je comprends bien, c'est bien cool, mais il va se faire niaiser en Christie dans le cours de l'école. Voyons donc. Facebook, c'est effectivement Slate qui a sorti ça en février. 56 options de genre. Je vais mettre le lien sur mon Facebook, tu vas voir ça. Là, c'est, il y en a un, c'est un agent, agender. Ça, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre, rien. Le deuxième, c'est androgyne. Là, t'en as 56 de même. L'autre, c'est bigenre. L'autre, c'est cisgenre. Cis? Ouais, mais cis, c'est yes, là. OK. Oh. C'est, regarde, faut lire, là. Il y a une définition en anglais qui suit, là. Il y a gender fluid. Mais voyons donc. Express quoi, both. Gender fluid? Like bi-gender people. Gender fluid. Feel free to express both masculine and feminine characteristics at different times. Un petit gars le matin, une petite fille l'après-midi, puis dépasser 5 heures, mais... Mais oui. Un petit gars, petite fille, il s'en va, il s'en va à l'école avec, dans son sac à dos, plusieurs kits. C'est ça. Gender fluid. Pantalon le matin, robe l'après-midi. On est plus vite. C'est carrément ça. Gender queer, intersex, binaire, non-binaire, pan-gender, c'est fou braque. C'est 56. Tu m'aurais demandé, Richard, trouve-moi 5-6 orientations sexuelles. J'aurais de la misère à me rendre à 6, mais là, il y en a 56. Ben... T'as jeté à sucre, là. Allez, on y va avec le numéro 1, right now.